était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais tout comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des gosses qui ont leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire comme jadis que leur père ont fait pour leur fils. Le général souffrait, d'où vous savez. Le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des grands guillons. Le juteux souffrait de chronique néphrétique. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal un corps isachronique. Et le deuxième classe des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures. Les voilà bien portants, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là, mais du pinard et du tabac. Le colonel était Algérie français. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant pour le thé du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent un socialiste convaincu. Le caporal inscrit sur toutes les listes. Et deuxième place au PMU. Et tout ça s'est fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, sachant bien que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, les voilà tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent désormais qu'on nous fiche une bonne fois la paix. Mexicanos, traigo, el Mexico, il saludo des excellentes françaises. Le problème qui s'est présenté est la coopération pour les excellentes mexicanos. Merci. Un duo unique d'une seule chanson, La Matinée. Duo surtout dans la vie privée. Christine Sèvres et Jean Ferrat s'étaient rencontrés en 1958 et s'étaient épousés en 1961. Les paroles sont de Henri Gougaud et la musique de Jean Ferrat. La matinée, Christine Sèvres et Jean Ferrat. La matinée se lève, toi debout, il est temps. Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve. Le soleil nous inonde, regarde-moi ce bleu. Attends encore un peu, je refaisais le monde.

mondaine, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, ruste tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, ruste tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car l'opin de terre, une tige de roseau, servir à la croissance de tes marmots. Servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! En 1968, au concours Eurovision de la chanson, la France était représentée par Isabelle Aubré, une valeur sûre qui avait gagné le concours 6 ans plus tôt. Ça se passait à Londres et 17 pays étaient en lice. La chanson « La source » portait sur le thème du viol, ce qui était inhabituel pour les chansons de l'époque, et l'interprète décrivant un tel événement de façon assez détaillée. Cette année-là, c'est l'Espagne qui triomphait avec la chanson « La la la » interprétée par Maciel. La France montait néanmoins sur la 3e marche du podium. Bravo, la source, Isabelle Aubré. Chanson Eurovision de 2020, où en est-on? Oh, un beau fiasco, D'abord, la grande émission n'a pas eu lieu. Si, elle a eu lieu sur une chaîne, je ne sais où. Personne n'en a parlé. Et la France se serait classée à la 20e place. Ouais. Pas terrible. Mais enfin, quand on sait comment la France, Tom Leb a été qualifié avec sa chanson, on peut se poser des questions. On nous avait dit, on a reçu une trentaine de chansons, et l'une d'elles, alors vraiment, sortait, dominait, ça pouvait être qu'elle. Bon, nous, on a cherché la mélodie, on a cherché le rythme, on a tout cherché. En plus, une chanson interprétée en anglais, quelle honte! 20e, c'est tout ce que ça mérite. Ce n'était que mon avis. André Robert Rimbourg était un joyeux luron à l'école, mais il fut également un excellent élève. Et après avoir obtenu brillamment le certificat d'études, il entra au collège et se passionna d'emblée pour la musique. Il apprit à jouer du cornet à piston. Et c'est dans cette chanson qu'André Robert Rimbourg, dit Bourville, rendait hommage en 1948 à son instrument de musique dans un exercice de diction particulièrement difficile. Et puis je voudrais revenir pour nos auditeurs, par rapport aux propos que j'ai tenus précédemment sur le concours révision de la chanson. Bien entendu, ceux qui verraient une relation avec la chanson qui vient n'engagent que leur ressenti. C'est le piston Bourville. Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris? C'est le piston. Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie? C'est le piston. Piston solo, chez moi j'étais connu. Tout le monde m'appelait tutu-tutu. C'est sans doute ça, chérie, qui t'avait plu, puisque tu m'as dit d'un air entendu. Toi t'as qu'à me dire, que t'as osé me dire pourquoi si j'ose. Tout à coup j'ai dit, j'avais osé et j'en étais tout chose. Toi t'es cochon d'amour, t'as susurré pourquoi si je ne suis sûr. Toi t'écoutais toujours, que je le susurre au fur et à mesure. Dis rien à papa, dis rien à maman. C'est vrai que papa disait à maman. Toi t'es qu'à terre, tu te cacheras de ton père. Toi t'es qu'à terre, tu te cacheras de ta mère. Puisqu'on s'est marié sur une note joyeuse, au piston, notre union sera aussi harmonieuse qu'un piston. Qu'est-ce qui nous a mis dans une bonne combine? C'est le piston. Car tu sais ce qui fait marcher la machine? C'est le piston. Quand je te chanterai, chérie amoroso, tu me diras, oh là là, que c'est beau. Nous ferons tous deux un très joli duo. Moi je ferai la basse et toi tu feras le haut. Tous deux comme deux oies, tous deux comme deux oiseaux. Nous serons heureux et gazouillerons ensemble. Tu t'occuperas de l'enfant. Tu seras aux anges, surtout s'il me ressemble. Ton petit garçon jouera. Piston comme moi, ce sera magnifique. Tata, j'y apprendrai. Car dans la vie, faut connaître la musique. Je serai papa, tu seras maman. Plus tard grand papa, plus tard grand maman. T'as compris la vie. Ce coup-là, je crois que je le tiens bien. Philippine, la chanteuse, est née en 1998 à Saint-Claude, dans le Jura. Après une petite enfance passée au Canada, elle fit son retour en France à l'âge de 8 ans. Et à 14 ans, elle écrivit et enregistra sa première chanson. Son bac ES en poche, Philippine fit ses valises et vint s'installer à Nancy. Bienvenue. Elle intégra la Musique Internationale Academy, rue du 20e Corps, un établissement qui a vu passer de nombreux candidats à l'émission The Voice, comme Lilian Renaud, vainqueur de la saison 4, et Maximilien Philippe, finaliste de la saison 3. Alors, Philippine a participé en 2018 au concours Énergie Talent, et face à plusieurs centaines de candidats, elle a remporté le concours parrainé cette année-là par Slimane. N'importe quoi, Philippine. Si j'ai du noir sous les yeux, si j'ai une sale dégaine, si tout me paraît brumeux comme dans un mauvais rêve, si je te vois quand t'es pas là, je crois que je fais n'importe quoi. Si je parle encore de nous deux, si je parle au pluriel, c'est parce que nous c'était mieux qu'un jeu seul et cruel. Quand je dis que je vais mieux sans toi, ne me crois pas, je dis n'importe quoi. Et ta main se serre dans la mienne, et puis plus rien, de façon à quoi ça mène. C'est rien que de la poudre aux yeux, jamais sérieux. N'importe quoi. Si j'ai des cernes sous les yeux et la voix qui déraille, c'est que les nuits durent trop peu à rejouer nos batailles. Trop fatigué, ne plus penser, plus faire n'importe quoi. Si par hasard tu reçois des messages à rallonge, dis-toi que ce n'est pas moi, c'est mes mains qui racontent. Peut-être que c'est mieux comme ça. C'est faux, c'est beau, mais c'est n'importe quoi. Et ta main se serre dans la mienne, et puis plus rien, de façon à quoi ça mène. C'est rien que de la poudre aux yeux, jamais sérieux. Ouais, c'est n'importe quoi. Et ta main se serre dans la mienne, et puis plus rien, de façon à quoi ça mène. C'est rien que de la poudre aux yeux, jamais sérieux. Ouais, c'est n'importe quoi. Parce qu'on attend, moi je trouve ça malsain. Cette histoire bancale où rien n'est certain. Mais c'est vrai, c'était bien. Quand des ombres chinoises dansaient sous les draps, dessinaient des corps qui ne mentaient pas. C'est vrai, c'était bien. Et puis y'a ton parfum mélangé au mien, l'espoir du matin d'une histoire sans fin. C'est vrai, je voudrais bien. J'ouvre la porte, un dernier refrain, et passer mes doigts dans tes cheveux bruns. C'est vrai, je voudrais bien. C'est n'importe quoi. Et ta main se serre. Barbara Deschamps, auteure, compositrice et interprète, part en guerre contre ces situations que l'on rencontre de plus en plus dans nos villages de campagne. Des citadins achètent des maisons et font des pieds et des mains pour exiger l'interdiction du chant du coq, le léon du pont ou la sonnerie des cloches. Ne touche à rien, Barbara Deschamps. Tu ne peux plus supporter les cloches de l'église. Tu dis qu'elles te rendent fou de leurs notes de musique. Tu voudrais faire cesser toutes les heures du village qu'on te laisse rêver dimanche et bien davantage. Mais je crois que tu as la mémoire courte. L'église était là bien avant ta maison. Fallait pas t'installer aussi près d'un clocher si tu peux pas supporter d'écouter sa chanson.